Je fais ce que tu veux. Je consens qu'il me voit. Je lui veux bien encore accorder cette joie. Pilate va bientôt conduire ici ses pas, mais si je m'en croyais, je ne le verrais pas. Et qu'est-ce que sa vue a pour vous de funeste? Madame, n'est-ce pas toujours le même Oreste dont vous avez 100 fois souhaité le retour et dont vous regrettiez la constance et l'amour? Si cet amour payé de trop d'ingratitude qui me rend en ces lieux sa présence si rude, quelle honte pour moi, quel triomphe pour lui de voir mon infortune égaler son ennui. Est-ce là, dira-t-il, cette fière Hermione? Elle me dédaignait, un autre l'abandonne. L'ingrate qui mettait son cœur à si haut prix apprend donc à son tour à souffrir des mépris. Oh Dieu! Dissipez ces indignes alarmes. Il a trop bien senti le pouvoir de vos charmes. Vous croyez qu'un amant vienne vous insulter? Il vous rapporte un cœur qui n'a pu vous ôter. Mais vous ne dites point ce que vous mande un père? Dans ses retardements, si Pyrrhus persévère à la mort du Troyen, s'il ne veut consentir, mon père avec les Grecs m'ordonne de partir. Eh bien, madame, eh bien, écoutez donc au reste. Pyrrhus a commencé, faites au moins le reste. Pour bien faire, il faudrait que vous le prévinciez. Ne m'avez-vous pas dit que vous le haïssiez? Si je le hais, Cléone, il y va de ma gloire. Après tant de bontés dont il perd la mémoire, lui qui me fut si cher et qui m'a pu trahir, ah, je l'ai trop aimé pour ne le point haïr. Fuyez-le donc, madame, et puisqu'on vous adore... Ah, laisse à ma fureur le temps de croître encore. Contre mon ennemi, laisse-moi m'assurer. Cléone, avec horreur je m'en veux séparer, il n'y travaillera que trop bien, l'infidèle. Quoi? Vous en attendez quelque injure nouvelle? Aimer une captive et l'aimer à vos yeux, tout cela n'a donc pu vous le rendre odieux? Après ce qu'il a fait, que saurait-il donc faire? Il vous aurait déplu, s'il pouvait vous déplaire. Pourquoi veux-tu cruel irriter mes ennuis? Je crains de me connaître en l'état où je suis. De tout ce que tu vois, tâche de ne rien croire. Crois que je n'aime plus. Vante-moi ma victoire. Crois que dans son dépit mon cœur est endurci. Hélas, et s'il se peut, fais-le-moi croire aussi. Tu veux que je le fuie? Eh bien, rien ne m'arrête. Allons, n'envions plus son indigne conquête. Que sur lui sa captive étend de son pouvoir. Fuyons! Mais si l'ingrat rentrait dans son devoir, si la foi dans son cœur retrouvait quelque place, s'il venait à mes pieds me demander sa grâce, si sous mes lois, amour, tu pouvais l'engager, s'il voulait... Mais l'ingrat ne veut que m'outrager. Demeurons toutefois pour troubler leur fortune. Prenons quelque plaisir à leur être importune. Ou, le forçant de rompre un nœud si solennel, aux yeux de tous les Grecs, rendons-le criminel. J'ai déjà sur le fils attiré leur colère, je veux qu'on vienne encore lui demander la mère. Rendons-lui les tourments qu'elle me fait souffrir, qu'elle le perde ou bien qu'il la fasse périr. Vous pensez que des yeux toujours ouverts aux larmes se plaisent à troubler le pouvoir de vos charmes? Et qu'un cœur accablé de tant de déplaisir, de son persécuteur ébrigué les soupirs? Voyez si sa douleur en paraît soulagée. Pourquoi donc les chagrins où son âme est plongée? Contre un amant qui plaît, pourquoi tant de fierté? Hélas, pour mon malheur, je l'ai trop écouté. Je n'ai point du silence affecté le mystère. Je croyais sans péril pouvoir être sincère et sans armer mes yeux d'un moment de rigueur. Je n'ai pour lui parler consulté que mon cœur. Et qui ne se serait comme moi déclaré sur la foi d'une amour si saintement jurée? Me voyait-il de l'œil qu'il me voit aujourd'hui? Tu t'en souviens encore? Tout conspirait pour lui. ma famille vengée et les Grecs dans la joie, nos vaisseaux tous chargés des dépouilles de Troie, les exploits de son père effacés par les siens, ces feux que je croyais plus ardents que les miens. Mon cœur, toi-même, enfin de sa gloire ébloui, avant qu'il me trahît, vous m'avez tous trahi. Mais c'en est trop, Cléone, et quel que soit Pyrrhus, Hermione est sensible, Oreste a des vertus. Il s'est aimé, du moins, et même sans qu'on l'aime, et peut-être il saura se faire aimer lui-même. Allons, qu'il vienne enfin. Madame, le voici. Je ne croyais pas qu'il fût si près d'ici. Le croirais-je, Seigneur, qu'un reste de tendresse vous fasse ici chercher une triste princesse? Ou ne dois-je imputer qu'à votre seul devoir l'heureux empressement qui vous porte à me voir? Tel est, de mon amour, l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame, et le destin d'Oreste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, que tous mes pas vers vous sont autant de parjures. Je le sais, j'en rougis. Mais j'atteste les dieux, témoins de la fureur de mes derniers adieux, que j'ai couru partout où ma perte certaine dégageait mes serments et finissait ma peine. J'ai mendié la mort chez des peuples cruels qui n'apaisaient leurs dieux que du sang des mortels. Ils m'ont fermé leurs temples, et ces peuples barbares de mon sang prodigué sont devenus avares. Enfin, je viens à vous, et je me vois réduit à chercher dans vos yeux une mort qui me fuit. Mon désespoir n'attend que leur indifférence, ils n'ont qu'à m'interdire un reste d'espérance. Ils n'ont, pour avancer cette mort où je cours, qu'à me dire une fois ce qu'ils m'ont dit toujours. Voilà, depuis un an, le seul soin qui m'anime. Madame, c'est à vous de prendre une victime que les Scythes auraient dérobée à vos coups si j'en avais trouvé d'aussi cruelle que vous. Quittez, Seigneur, quittez ce funeste langage. À des soins plus pressants, la Grèce vous engage. Que parlez-vous du site et de mes cruautés? Songez à tous ces rois que vous représentez. Faut-il que d'un transport leur vengeance dépende? Est-ce le sang d'Oreste enfin qu'on vous demande? Dégagez-vous des soins dont vous êtes chargé. Les refus de Pyrrhus m'ont assez dégagé, madame. Il me renvoie. Et quelque autre puissance lui fait du fils d'Hector embrasser la défense? L'infidèle! Ainsi donc, tout prêt à le quitter, sur mon propre destin je viens vous consulter. Déjà même, je crois entendre la réponse qu'en secret contre moi, votre haine prononce. Et quoi? Toujours injuste en vos tristes discours, de mon inimitié vous plaindrez-vous toujours? Quelle est cette rigueur tant de fois alléguée? J'ai passé dans les pires où j'étais reléguée, mon père l'ordonnait, mais qui sait si depuis je n'ai point en secret partagé vos ennuis? Pensez-vous avoir seul éprouvé des alarmes? Que les pires jamais n'aient vu couler mes larmes? Enfin, qui vous a dit que malgré mon devoir, je n'ai pas quelquefois souhaité de vous voir? Souhaité de me voir? Ah, divine princesse, mais de grâce, est-ce à moi que ce discours s'adresse? Ouvrez vos yeux, songez qu'Oreste est devant vous, Oreste, si longtemps l'objet de leur courroux. Oui, c'est vous dont l'amour naissant avec leur charme leur a pris le premier, le pouvoir de leurs armes. Vous que mille vertus me forçaient d'estimer, vous que j'ai plaint, enfin, que je voudrais aimer. Je vous entends, tel est mon partage funeste, le cœur est pour Pyrrhus et les vœux pour Oreste. Ah, ne souhaitez pas le destin de Pyrrhus, je vous haïrais trop. Vous m'en aimeriez plus. Ah, que vous me verriez d'un regard bien contraire. Vous me voulez aimer et je ne puis vous plaire, Et l'amour seul alors se faisant obéir, vous m'aimeriez, madame, en me voulant haïr. Oh, Dieu, tant de respect, une amitié si tendre, que de raison pour moi si vous pouviez m'entendre. Vous seul pour Pyrrhus disputez aujourd'hui, peut-être malgré vous, sans doute malgré lui. Car enfin, il vous hait, son âme ailleurs éprise n'a plus... Qui vous l'a dit, Seigneur, qu'il me méprise? Ses regards, ses discours vous l'ont-ils donc appris? Jugez-vous que ma vue inspire des mépris, qu'elle allume en un cœur des feux si peu durables? Peut-être d'autres yeux me sont plus favorables. Poursuivez, il est beau de m'insulter ainsi. Cruel, c'est donc moi qui vous méprise ici. Vos yeux n'ont pas assez éprouvé ma constance. Je suis donc un témoin de leur peu de puissance. Je les ai méprisés. Ah, qu'ils voudraient bien voir, mon rival, comme moi, mépriser leur pouvoir. Que m'importe, Seigneur, sa haine ou sa tendresse? Allez contre un rebelle, armez toute la Grèce. Rapportez-lui le prix de sa rébellion, qu'on fasse de l'Épire un second Ilion. Allez, après cela, direz-vous que je l'aime? Madame, faites plus, et venez-y vous-même. Voulez-vous demeurer pour otage en ces lieux? Venez, dans tous les cœurs, faire parler vos yeux. Faisons de notre haine une commune attaque. Mais, Seigneur, cependant, s'il épouse Andromaque... Eh, madame! Songez, quelle honte pour nous si d'une Phrygienne il devenait l'époux. Et vous le haïssez? Avouez-le, madame, l'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux, et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Seigneur, je le vois bien, votre âme prévenue répand sur mes discours le venin qui la tue. Toujours dans mes raisons cherche quelque détour et croit qu'en moi la haine est un effort d'amour. Il faut donc m'expliquer, vous agirez ensuite. Vous savez qu'en ces lieux, mon devoir m'a conduite, mon devoir m'y retient et je n'en puis partir que mon père ou Pyrrhus ne m'en fasse sortir. De la part de mon père, allez lui faire entendre que l'ennemi des Grecs ne peut être son gendre. Du Troyen ou de moi, faites-le décider qu'il songe qui des deux il veut rendre ou garder. Enfin, qu'il me renvoie ou bien qu'il vous le livre. Adieu, s'il y consent, je suis prête à vous suivre. Oui, oui, vous me suivrez, n'en doutez nullement. Je vous réponds déjà de son consentement. Je ne crains pas enfin que Pyrrhus la retienne. Il n'a devant les yeux que sa chère Troyenne. Tout autre objet le blesse, et peut-être aujourd'hui il n'attend qu'un prétexte à l'éloigner de lui. Nous n'avons qu'à parler, c'en est fait. Quelle joie d'enlever à l'Épire une si belle proie! Sauve tout ce qui reste, et de Troie, et d'Hector, garde son fils, sa veuve, et mille autres encore, et pire. C'est assez qu'Hermione rendue perde à jamais tes bords et ton prince de vue. Mais un heureux destin le conduit en ces lieux. Parlons. À tant d'attrait, amour, ferme ses yeux. Je vous cherchais, Seigneur. Un peu de violence m'a fait de vos raisons combattre la puissance, je l'avoue. Et depuis que je vous ai quitté, j'en ai senti la force et connu l'équité. J'ai songé, comme vous, qu'à la Grèce, à mon père, à moi-même, en un mot, je devenais contraire, que je relevais Troie et rendais imparfait tout ce qu'a fait Achille et tout ce que j'ai fait. Je ne condamne plus un courroux légitime. Et l'on vous va, Seigneur, livrer votre victime. Seigneur, par ce conseil prudent et rigoureux, c'est acheter la paix du sang d'un malheureux. Oui, mais je veux, Seigneur, l'assurer davantage. D'une éternelle paix, Hermione est le gage. Je l'épouse. Il semblait qu'un spectacle si doux n'attendît en ces lieux qu'un témoin tel que vous. Vous y représentez tous les Grecs et son père, puisqu'en vous, Ménélas voit revivre son frère. Voyez-la donc. Allez. Dites-lui que demain, j'attends, avec la paix, son cœur de votre main. Ah, Dieu. Eh bien, Phénix, l'amour est-il le maître? Tes yeux refusent-ils encore de me connaître? Ah, je vous reconnais, et ce juste courroux, ainsi qu'à tous les Grecs, Seigneur, vous rend à vous. Ce n'est plus le jouet d'une flamme servile, c'est Pyrrhus, c'est le fils et le rival d'Achille, que la gloire à la fin ramène sous ses lois, qui triomphe de Troie une seconde fois. Dis plutôt qu'aujourd'hui commence ma victoire. D'aujourd'hui seulement je jouis de ma gloire, et mon cœur, aussi fier que tu l'as vu soumis, croit avoir en l'amour vaincu 1000 ennemis. Considère, Phénix, les troubles que j'évite. Quelle foule de maux l'amour traîne à sa suite, que d'amis, de devoirs j'allais sacrifier, quel péril! Un regard m'eût tout fait oublier. Tous les Grecs conjurés fondaient sur un rebelle. Je trouvais du plaisir à me perdre pour elle. Oui, je bénis, Seigneur, l'heureuse cruauté qui vous rend... Tu l'as vu comme elle m'a traité. Je pensais, en voyant sa tendresse alarmée, que son fils me l'a dû renvoyer désarmé. J'allais voir le succès de ses embrassements. Je n'ai trouvé que pleurs mêlés d'emportement. Sa misère l'aigrit. Et toujours plus farouche, 100 fois le nom d'Hector est sorti de sa bouche. Vainement à son fils, j'assurais mon secours. « C'est Hector !» disait-elle en l'embrassant toujours. « Voilà ses yeux, sa bouche et déjà son audace. C'est lui-même, c'est toi, cher époux, que j'embrasse. » Et quelle est sa pensée? Attend-elle en ce jour que je lui laisse un fils pour nourrir son amour? Sans doute, c'est le prix que vous gardez l'ingrate, mais laissez-la, Seigneur. Je vois ce qui la flatte. Sa beauté la rassure, et malgré mon courroux, l'orgueilleuse m'attend encore à ses genoux. Je la verrai au mien, Phénix, d'un œil tranquille. Elle est veuve d'Hector, et je suis fils d'Achille. Trop de haine sépare Andromaque et Pyrrhus. Commencez donc, Seigneur, à ne m'en parler plus. Allez voir Hermione, et content de lui plaire, oubliez à ses pieds jusqu'à votre colère. Vous-même, à cet hymen, venez la disposer. Est-ce sur un rival qu'il s'en faut reposer? Il ne l'aime que trop. Crois-tu, si je l'épouse, qu'Andromaque en son cœur n'en sera pas jalouse? Quoi? Toujours Andromaque occupe votre esprit? Que vous importe, ô Dieu, sa joie ou son dépit? Quel charme, malgré vous, vers elle vous attire? Non, je n'ai pas bien dit tout ce qu'il lui faut dire. Ma colère à ses yeux n'a paru qu'à demi. Elle ignore à quel point je suis son ennemi. Retournons-y. Je veux la braver à sa vue et donner à ma haine une libre étendue. Viens voir tous ses attraits, Phénix, humilié. Allons. Allez, Seigneur, vous jeter à ses pieds. Allez, en lui jurant que votre âme l'adore, à de nouveaux mépris l'encourager encore. Je le vois bien. Tu crois que, prêt à l'excuser, mon cœur court après elle et cherche à s'apaiser? Vous aimez, c'est assez. Moi, l'aimer? Une ingrate qui me hait d'autant plus que mon amour la flatte? Sans parents, sans ami, sans espoir que sur moi je puis perdre son fils. Peut-être je le dois. Étrangère, que dis-je, esclave dans les pires, je lui donne son fils, mon âme, mon empire, et je ne puis gagner dans son perfide cœur d'autre rang que celui de son persécuteur. Non, non, je l'ai juré, ma vengeance est certaine. Il faut bien une fois justifier sa haine. J'abandonne son fils. Que de pleurs vont couler, de quel nom sa douleur me va-t-elle appeler? Quel spectacle pour elle aujourd'hui se dispose? Elle en mourra, Phénix, et j'en serai la cause. C'est lui mettre moi-même un poignard dans le sein. Et pourquoi donc en faire éclater le dessein? Que ne consultiez-vous tantôt votre faiblesse? Je t'entends, mais excuse un reste de tendresse. Crains-tu pour ma colère un si faible combat? D'un amour qui s'éteint, c'est le dernier éclat. Allons, à tes conseils, Phénix, je m'abandonne. Faut-il livrer son fils? Faut-il voir Hermione? Oui, voyez-la, Seigneur, et par des vœux soumis, protestez-lui. Faisons tout ce que j'ai promis.